Comme vous le savez déjà, tous les verbes espagnols se terminent en ar, er ou ir. Et lorsqu'ils apparaissent sous cette forme, on dit qu'ils sont à l'infinitif. Pourquoi parle-t-on d'infinitif? Dans l'infinitif, il y a infini, c'est-à-dire tout. Donc, un verbe à l'infinitif peut s'utiliser dans beaucoup de cas, à l'infini. Il peut par exemple servir à donner un ordre, ne pas se pencher, ou se comporter comme un nom et être le sujet d'une phrase. Travailler fatigue. On peut aussi l'appeler le verbe nu, car il n'est pas habillé pour voyager dans le passé, le futur, etc. Il reste comme il est. Malgré les trois terminaisons habituelles, pour Michel Thomas, il existait seulement deux catégories de verbes, ou deux chemins à prendre. Celui des verbes se terminant par ar ou celui des autres. Pour commencer, nous nous échaufferons un peu avec des verbes réguliers que j'appelle des verbes disciplinés, puisqu'ils sont faciles à utiliser. Les lettres de leur première syllabe ne changent pas sous la pression de l'accentuation et leurs terminaisons ne deviennent pas gogo ou gaga. Ces terminaisons ne sont donc pas compliquées. Elles sont les mêmes dans chaque catégorie. Vous n'aurez qu'à utilizar votre bon sens pour entrar dans les mondes de ces verbes disciplinés. Vous les maîtriserez rapidement et vous voudrez alors relever des défis plus compliqués. Vous emprunterez le plus souvent le chemin des verbes en ar, puisque ceux-ci représentent une grande partie de l'ensemble des verbes. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous vous relaxez et écoutez en essayant de comprendre l'essentiel de ce qui est dit, vous pourrez deviner ce que la plupart de ces verbes signifient. Ils ressemblent souvent en effet à leur équivalent en français, ou à un mot de la même famille. Côté organisation, nous procéderons un peu différemment dans cette partie sur les verbes. Pour compliquer un peu les choses, je vous laisserai de temps en temps deviner les mots quand j'estimerai que vous êtes capable de les retrouver seul. Mettons-nous au travail et essayons d'apprendre un bon nombre de verbes. N'hésitez pas à revoir les méthodes précédentes si vous ne savez plus comment construire certains temps. Nous ne répéterons pas ici ce qui a été vu dans les autres méthodes. Nous nous concentrerons sur le vocabulaire. Alors, allons-y. Comme vous le savez, « je dois » se dit « tengo que » ou « debo ». Il y a une différence assez subtile entre les deux verbes. « Tener que » désigne surtout une obligation à laquelle on ne peut pas se soustraire, tandis que « deber » s'utilise davantage pour une obligation d'ordre moral, comme par exemple « nous devons obéir à nos parents »« debemos obedecer a nuestros padres ». Mais, comme je vous le disais, cette différence est assez subtile, et on l'utilise souvent l'un pour l'autre dans les langages courants, donc ne vous inquiétez pas. En utilisant « debo » et « evitar » pour « éviter » et « diccionario » D-I-C-C-I-O-N-A-R-I-O pour « dictionnaire », remarquez encore une fois que les lettres « CT » en français sont rendues par deux « C » en espagnol. Dites-moi, je dois éviter la tentation d'utiliser le dictionnaire. Debo evitar la tentación de utilizar el diccionario. Cette attitude est très importante. Debo evitar la tentación de utilizar el diccionario. On a utilisé debo vu que l'obligation décrite ici tient plus d'une obligation morale qu'une action à laquelle on ne peut pas se soustraire. Mais on pourrait parfaitement entendre aussi tengo que. Sinon, il y a dans cette phrase les verbes « evitar » et « utilizar ». Vous voyez, ces deux verbes se terminant par « er » en français finissent par « ar » en espagnol. Notez aussi que l'on dit « tentación »,« tentación », car le son « un » n'existe pas en espagnol. Et mettez votre langue entre vos dents de devant pour prononcer le « c » de « fion ». En Amérique latine, on prononcera ce « c » comme s'il s'agissait d'un « s ». On dira donc « tentación ». Au lieu de, se dit « en lugar de » et s'écrit en trois mots comme en français. « En » E-N, plus loin « lugar » L-U-G-A-R et « de » D-E. On emploie aussi lugar pour dire lieu, endroit. Comment diriez-vous alors au lieu de manger? En lugar de comer. En lugar de comer. Et au lieu de lire, se dira? Bravo! En lugar de leer. Mot, comme on l'a vu dans la partie précédente, se dit palabra. P-A-L-A-B-R-A. Pensez au mot français palabra, désignant une discussion longue et difficile, comme dans Il m'a baissé les prix après maintes palabres. Donc, comment diriez-vous? Au lieu d'utiliser les dictionnaires, je peux transformer beaucoup de mots français. Coupons la phrase en deux pour que ce soit plus facile. Dites d'abord, au lieu d'utiliser le dictionnaire, en lugar de utilizar el diccionario, en lugar de utilizar el diccionario, je peux transformer beaucoup de mots français. Nous sommes en train de voir les verbes en ar, donc déduisez, transformer. Attention à beaucoup de. Le de ne se traduit pas en espagnol et il s'accorde avec le nom qui le suit. Notez aussi que palabras est un mot féminin. Dites-moi alors, je peux transformer beaucoup de mots français. Puedo transformar muchas palabras francesas. Puedo transformar muchas palabras francesas. Palabras étant féminin, on a dû utiliser muchas pour beaucoup de et francesas pour française. Donc, dites de nouveau, au lieu d'utiliser le dictionnaire, je peux transformer beaucoup de mots français. En lugar de utilizar el diccionario, puedo transformar muchas palabras francesas. En lugar de utilizar el diccionario, puedo transformar muchas palabras francesas. Et c'est vrai. Vous venez juste de transformer, après tout. Maintenant, si encore, dans le sens qu'il nous reste encore quelque chose à faire, se dit todavía, T-O-D-A-V-I accent aigu A, comment diriez-vous je dois décorer le salon encore? Tengo que decorar el salón todavía. Tengo que decorar el salón todavía. Encore un verbe en ar, décorer. Je parie que vous l'aviez trouvé, tout comme salon d'ailleurs.